The French Pod Audio Review. Let's start with the vocabulary. Musée d'Orsay. Le musée d'Orsay. To be ages since. Faire des lustres que. To turn upside down. Chambouler. Exhibition. L'exposition. Renoir. Renoir. Spare. De rechange. Screwdriver. Le tournevis. Security guard. Le gardien. Impressionist. L'impressionniste. Gallery. La galerie. Bloody. Satané. Sculpture. La sculpture. Canvas. La toile. Gauguin. Gauguin. Neither seen nor heard. Ni vu ni connu. Now, a bit faster. To be ages since. Faire des lustres que. Exhibition. L'exposition. Bloody. Satané. Musée d'Orsay. Le musée d'Orsay. Renoir. Renoir. Bloody. Satané. Screwdriver. Le tournevis. Bloody. Satané. To be ages since. Faire des lustres que. Renoir. Renoir. Impressionist. L'impressionniste. Neither seen nor heard. Ni vu ni connu. To be ages since. Faire des lustres que. Neither seen nor heard. Ni vu ni connu. To turn upside down. Chambouler. Spare. De rechange. Security guard. Le gardien. Renoir. Renoir. Impressionist. L'impressionniste. Renoir. Renoir. To be ages since. Faire des lustres que. Bloody. Satané. Gallery. La galerie. Spare. De rechange. Gallery. La galerie. Sculpture. La sculpture. Canvas. La toile. Screwdriver. Le tournevis. Impressionist. L'impressionniste. Gauguin. Gauguin. Gallery. La galerie. Now, use the words in context. Faire des lustres que. It's been ages since I've read a book. Ça fait des lustres que je n'ai pas lu de livre. Chambouler. The increase in price upset the lifestyle of the inhabitants. La hausse des prix a chamboulé les habitudes de vie des habitants. De rechange. Luckily we had a spare tire or else we would have been stuck on the highway. Heureusement qu'on avait un pneu de rechange, sinon on aurait été coincé sur l'autoroute. Satané. That darned cat scratched up the new sofa. Ce satané chat a griffé le nouveau canapé. Ni vu ni connu. I know his password and I can read his emails without him ever knowing. Je connais son mot de passe, je peux lire ses mails, ni vu ni connu. Faire des lustres que. It's been ages since I've read a book. Ça fait des lustres que je n'ai pas lu de livre. Chambouler. The increase in price upset the lifestyle of the inhabitants. La hausse des prix a chamboulé les habitudes de vie des habitants. De rechange. Luckily we had a spare tire or else we would have been stuck on the highway. Heureusement qu'on avait un pneu de rechange, sinon on aurait été coincé sur l'autoroute. Ni vu ni connu. I know his password and I can read his emails without him ever knowing. Je connais son mot de passe, je peux lire ses mails, ni vu ni connu.